Nous sommes maintenant avec Mélanie Morin. Bonjour Mélanie Morin, vous êtes bien avec nous? Oui. Oui, vous êtes bien avec nous. Donc, on voulait vous parler aujourd'hui pour savoir tout ce qui se passe de votre côté, côté à la fois du Gidendam Access Point et du camp Inuistoten. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire où vous êtes présentement et qu'est-ce qui se passe? Bon, juste pour vous situer un peu, moi, je suis anthropologue culturelle. Ça fait environ 7 ans que je travaille pour les Wet'suwet'en. Je travaille présentement pour la Société de langue et culture Wet'suwet'en. Je suis présentement chercheuse. Et puis, je suis en contact régulier avec les gens qui sont au point de contrôle Gidendam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est que le point d'accès ou le point, comme vous avez dit, Gidendam, qu'est-ce que c'est? Bon, les Wet'suwet'en, c'est un peuple autochtone. Ils ont un système héréditaire matrilinéaire. Ils ont 5 clans et 13 maisons. Et avec ces maisons-là et ces clans-là, il y a des territoires distincts. Et ces territoires distincts-là, depuis le début de l'ère de la colonisation, sont sous menace de développement industriel. Et donc, comme vous le savez probablement, il y a une pipeline de Coastal GasLink qui est proposée à être bâtie au travers du territoire pour emmener du gaz naturel jusqu'à Kitsinat. Et puis, la pipeline passerait sous la rivière Wet'suwet'en, aussi nommée en anglais la Buckley Valley River, la Buckley River. Et donc, là, depuis 2009, et un peu d'histoire sur ça aussi, c'est que les Gidendam, c'est un de ces 5 clans-là. Et donc, il y a les Gidendam, il y a les Gifteriu, Luxilu, Luxamishu, et Tsayu. Et chacun de ces groupes-là a environ 3 maisons. Et ils ont plusieurs territoires qui sont éparpillés au travers du territoire, le plus grand territoire Wet'suwet'en, qui est environ 22 000 km². Et donc, depuis des milliers et des milliers d'années, ces gens-là vivent dans leur territoire et ils sont gouvernés par le système du festin. Et le système du festin, c'est le mécanisme pour ce que les lois Wet'suwet'en sont établies dans le territoire. Et ça gouverne aussi des choses sociales comme le mariage, comme la mort, comme l'héritage. Les terres qui sont une culture matrilinéaire, ça veut dire que l'héritage se fait du côté de la mère. Et avec chaque maison, il y a un chef héréditaire. Et ce nom de chef héréditaire-là se passe de génération en génération. Et donc, les Inuistoten, par exemple, ce sont un des clans fondateurs de la nation Wet'suwet'en. Ils font partie du clan Gifteriu, qui est le clan de la grosse grenouille. Et leur nom Inuistoten fait référence à l'endroit, le territoire d'où ils viennent, qui est la source de la rivière Wet'suwet'en. C'est la source de la rivière où la majorité du saumon que les Wet'suwet'en récoltent depuis des millénaires pour leur survie. Et donc, depuis la colonisation de cette région de la Colombie-Britannique, il y a environ 150 ans, ils ont resté beaucoup à se faire déposséder de leurs terres. Et comme vous le savez, en Colombie-Britannique, après l'époque de James Douglas, il n'y a eu aucun traité, particulièrement avec les nations du Nord. Et donc, c'est pour ça que les Wet'suwet'en, encore maintenant, peuvent dire qu'ils n'ont jamais cédé leurs terres et leurs droits. Et donc, quand en 1909, il y avait plusieurs cuisines qui avaient été proposées dans la région. Une étant Coastal GasLink, c'était la cuisine de Cambridge. Et puis, les Inuistoten, qui ont toujours été actifs dans leur territoire et qui ont toujours chassé, pêché et récolté des bêtes sauvages, ont décidé de s'établir dans leur territoire qui s'appelle Talbisqua. Et puis, ils ont établi un point de contrôle sur le pont-là pour parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les développements des pipelines passant sous la rivière Wet'suwet'en. Parce que les gens comprennent pas souvent, c'est que le saumon de la région, c'est toujours quelque chose que les gens dépendent pour leur survie. Et donc, déjà, les saumons sont déjà en danger ici. Et c'est une autre menace à la survie des Wet'suwet'en. En fait, si la rivière est endommagée par des développements industriels. Donc, ils se sont établis en 1909. Et ils ont établi une communauté dans ce coin-là. Et près de pont, ils ont un centre pour la guérison traditionnelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dans la région justement pour se reconnecter à leur tradition, au territoire qu'ils nomment sur la Yunta. Et puis, c'est devenu juste l'idée du camp, justement, c'était justement de protéger le territoire, mais aussi c'est devenu une façon de se réétablir sur le territoire. Et comme vous savez, est-ce que vous êtes familier avec le cas d'Elgamos Tikisewi? Moi, oui, mais peut-être pour nos éditeurs, ça vaut la peine que vous rentriez dans ce sujet. Bon, les aînés, les chefs, Wet'suwet'en ont rejoint les aînés, les chefs des Gitans, la nation voisinante. Depuis des années, ils s'en sont mêlés. Ils ont des liens politiques assez rapprochés, malgré qu'ils parlent deux langues différentes. Et ils ont décidé, après avoir témoigné beaucoup de développement dans leur territoire, de poursuivre leurs droits en cours. Et en 1997, à la Cour suprême du Canada, leur droit, leur titre a été reconnu, ainsi que les histoires orales comme témoignages qui étaient admissibles en cours. Et depuis ce temps-là, ils ont poursuivi d'autres cas, comme le cas de Lexella contre Canfor versus Sam, où comme je parlais justement tantôt, au Dessin comme étant le système de gouvernance des gouvernements des Wet'suwet'en, le clan de la petite grenouille avait bloqué l'accès à leur territoire à la compagnie de forestiers de Canfor. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont Canfor à venir à un certain cours, on a su savoir qu'ils n'avaient pas le consentement préalable pour aller couper les arbres dans leur territoire parce que justement, c'était une région où ils chassaient et qui passaient beaucoup de temps là pour pratiquer leur culture. Et la Canfor avait poursuivi une injonction à ce temps-là et puis, la Cour a reconnu que les lois des Wet'suwet'en qui surgit du festin étaient équivalents à la loi canadienne. Et donc, depuis ce temps-là, certaines se sont établies. Et la province de la Colombie-Britannique a approuvé la pipeline de Coastal Gaston. Et depuis quelques années, c'est quelque chose qui est. Mais les chefs héréditaires des Wet'suwet'en n'ont pas reçu la reconnaissance des gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, souvent, les compagnies de pipeline vont consulter avec des conseils élus, des conseils qui ont été créés sous la loi, par la loi sur les Indiens, qui a été établie en 1976. Et donc, ces conseils élus ont une juridiction assez limitée, c'est la juridiction des conseils élus. C'est seulement sur les par rapport aux réserves. Et donc, leur limite, ils n'ont vraiment pas d'autorité sur les plus grands territoires des Wet'suwet'en. Et puis, les compagnies ont tendance à négocier souvent avec les bandes, malgré qu'ils n'ont pas cette autorité-là. Et Delgamuth a établi que le droit éthique des Wet'suwet'en existe. Ça, c'est par rapport au système héréditaire, pas par rapport au système élu. Et donc, le 15 décembre, Coastal GasLink, le 14 décembre, Coastal GasLink a reçu une injonction intérim qui permettrait l'accès au territoire. Particulièrement, ils visaient une poursuite. Ils ont poursuivi une poursuite civile vers Freda Houston et Spogaskiam, un des chefs héréditaires Warner Nezel, qui ont été beaucoup impliqués dans le camp Unistakan. Freda Houston, c'est la représentatrice des Unistakan, mais elle est toujours sous la direction de leur chef de maison, Nidhi Beast Warner William. Et puis, donc, Coastal GasLink a reçu l'injonction. Et après un certain qui a eu lieu le 16 décembre, les chefs héréditaires ont décidé de créer un point de contrôle dans le territoire avoisinant des Gidimden. Parce que ceci, ce n'est pas une question de deux individus qui protestent une pipeline ou d'un groupe individuel, c'est vraiment une question, un problème de la nation. Et puis, c'est pour ça que tous les chefs se sont impliqués. Dans l'injonction, la juge a fait un commentaire disant que les Unistakan n'étaient pas une vraie entité dans la nation Wet'suwet'en, qui est entièrement faux historiquement. Mais elle se basait sur les faits que Coastal GasLink lui offrir. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit dans son jugement, c'est que Freda Houston et Spogaskiam Warner Nezel avaient jusqu'au 31 janvier pour réviser le document de Coastal GasLink qui était au-delà de 2000 pages de long et qu'ils auraient à ce temps-là la chance de présenter leur cas. Mais entre-temps, elle a aussi donné le consentement de ouvrir les points de contrôle avec le support de la GRC. Et donc, depuis ce temps-là, la GRC s'est mobilisée ici à Smithers et à Houston. Et certaines personnes à l'endroit ont témoigné environ 23 à 30 véhicules qui sont partis ce matin, pour le matin vers Houston. Le point de contrôle est situé au 44e kilomètre sur une longue route forestière, la route Maurice. Et puis, ils ont en ce moment créé une zone qui au 27e kilomètre qui empêcherait une zone d'exclusion qui empêcherait d'autres gens d'entrer pour appuyer les Gidimden. En ce moment, ils ont permis quelques chefs héréditaires d'entrer, mais plusieurs autres ont été retournés. Donc, en ce moment, on n'a pas plus de nouvelles que ça, à part que les chefs sont arrivés au camp. Et puis la GRC est allouée avec beaucoup de policiers dans le dehors de la communauté et aussi beaucoup des autobus et des vans assis avec plein d'équipements. Donc, quand on parle de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Quand on parle d'un transfert forcé des peuples autochtones de leur territoire, les Wet'suwet'en ne voient pas que la force de la GRC c'est en ligne avec cette déclaration et aussi leurs droits par rapport à le code de Delgamo qui existait, oui, n'est pas respecté non plus. Et demain, il y aura une journée internationale d'action de solidarité? Oui. Qui a été appelée par le guide de Norm Access Point? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Un petit moment. Donc, on attend la réponse. Un petit moment. Oui, oui, c'est juste qu'on est en onde directement. Ah, vous êtes en onde directement. Oui, bon. On est live en ce moment. Je sais qu'à Melbourne, en Australie, il va partout au Canada et certaines villes aux États-Unis aussi. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Allez-y. L'idée, c'est vraiment de informer le public par rapport aux droits des peuples autochtones, particulièrement ceux des Wet'suwet'en, mais aussi la force que l'État se fasse pour accomplir des projets industriels qui n'ont pas nécessairement le consentement préalable des peuples autochtones. Si le Canada et la province de Colombie-Britannique veulent vraiment se réconcilier avec les gens, il faut vraiment qu'ils considèrent comment qu'ils font affaire. Et dans le fond, quand ils refusent de reconnaître le titre et les droits des gouvernements héréditaires et ils reconnaissent seulement les conseils élus, c'est une continuation du mouvement colonial qui a toujours été là. C'est un répète de l'histoire. Et puis, je crois que les Canadiens et tous les peuples dans le monde ont intérêt à vraiment apprendre l'histoire et à comprendre qu'est-ce qui se passe parce que c'est vraiment une question de survie pour les gens ici. Mais c'est aussi une plus grande réalité par rapport au changement climatique, à la consommation et au développement de l'industrie pétrolière. C'est pas juste quelques personnes dans le bois qui protestent, c'est beaucoup plus gros que ça. Bien, merci beaucoup, Mme Morin. C'était très intéressant et on encourage tout le monde à se joindre aux actions qui auront lieu demain en solidarité et contre la colonisation et pour la souveraineté unistautone et la souveraineté autochtone plus généralement. Alors, bon courage et puis merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bon après-midi. Denis Saint. Donc, nous entendions Mélanie Morin qui nous parlait du Guidemdam Access Point et du camp unistautène et de l'histoire du peuple Wet'suwet'en.